Il met une veste et il prend ses clés. Il a mis une veste et il a pris ses clés. Elle boit un café et elle met du sucre. Elle a bu un café et elle a mis du sucre. Tu reçois un message et tu réponds. Tu as reçu un message et tu as répondu. Nous attendons le bus et nous lisons le journal. Nous avons attendu le bus et nous avons lu le journal. Il boit du whisky, il est malade et il a mal à la tête. Il a bu du whisky, il a été malade et il a eu mal à la tête.